France Inter. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Ramassez une abeille par gentillesse et vous apprendrez les limites de la gentillesse, nous dit un proverbe soufi. La gentillesse n'est pas forcément vue comme une qualité. Seriez-vous vraiment content si je vous disais que vous êtes une personne trop gentille? Pourquoi être gentil est souvent perçu comme peu valorisant? Le ou la gentille passe souvent pour un faible, un naïf, voire plus, c'est-à-dire un con, pardonnez-moi cette vulgarité. Mais comment en est-on arrivé à considérer ces personnes altruistes, bienveillantes, respectueuses, animées de belles intentions? Alors que veut vraiment dire être gentil et quels sont les bienfaits validés par la science? Pour ce bon vieux Jean-Jacques Rousseau, la gentillesse est la qualité humaine la plus enviée, le meilleur indicateur de bien-être et de plaisir d'exister. Et puis doit-on être gentil avec tout le monde? Ou doit-on varier cette qualité selon les personnes et les circonstances? Faut-il par exemple être gentil au travail et en famille avec ses amis? Jusqu'à quel point peut-on l'être sans se faire écraser? Comment être gentil et s'affirmer en sachant dire non quand il le faut? Nos experts vous aident à y voir plus clair et attendent vos questions au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 par message et note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. La reine de la gentillesse, c'est elle, Marie-Laure Zonshine, bonjour. Bonjour Ali. Rédactrice en chef à Femme Actuelle. Le programme de vos questions toujours pertinentes. Eh bien, on pense à Jacques Villeret, bien sûr, dans le fameux dîner, mais aussi à ce copain de classe qui se faisait mener par le bout du nez. Et pourtant, le gentil ne l'est pas toujours, ce n'est pas un devoir. Et surtout, il sait dire non, nous voilà prévenus. Pourquoi est-il aussi méchant? Ça, on ne le saura jamais. Bonjour Éric Liot. Je m'attendais à quelque chose de ce genre-là, voilà, je ne sais pas pourquoi. Je suis très attendu. Hein. Bonjour Ali. Bande annonce de vos choses presque vues. Eh bien écoutez, je vais parler poireaux et maisons de retraite ce matin. Vous allez... Ah oui, d'accord, j'essaie de voir le lien là. Bon, mais on verra ça tout à l'heure dans vos choses presque vues. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse. Il faudrait voir à pas nous prendre pour des cons, hein. D'accord? On veut bien être gentil, mais pas con. Bon. Parce qu'on est gentil. On est trop gentil. Voilà. On leur donne ça. On veut bien être gentil, mais pas con. C'est tout. Il faut pas non plus prendre... Les gens pour des cons. Voilà. On va vendre les poires, le panier, la ficelle qui va avec, voilà, hein. Voilà. Taré. Non? On est ce qu'on est. Voilà. Mais on est gentil. Mais faut pas exagérer non plus. Extrait des chiens. Bonjour Laurent Beck-Chankland. Bonjour. Vous êtes professeur en psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes, directeur de la Maison des sciences de l'homme Alpes et l'auteur de Psychologie du bien et du mal en poche et Odile Jacob. Bonjour Franck Martin. Bonjour Ali. Vous êtes directeur du groupe Congruence, spécialisé dans la communication et le management des équipes, et vous venez de publier chez Erol Gentillesse, mes fesses. Tiens, pourquoi ce titre Cavalier, gentillesse, mes fesses. Ouais, ça a une histoire particulière, une histoire à la fois personnelle et puis un peu étonnante. J'étais en discussion avec mon éditrice l'année dernière, avant la sortie du livre, et je lui disais que le thème du bouquin cette année, j'adore écrire sur ce thème-là, c'était il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de pratiquants. Oui. Et elle me dit, tiens, ça me rappelle un titre d'un de nos auteurs qui est en train de travailler sur l'écologie. Oui. Et je lui dis, le titre, c'est quoi? Et elle me dit, écologie, 3 points de suspension, mon cul. Oui. Et je lui dis, j'ai le titre du livre, Gentillesse mes fesses. Donc voilà, ça c'était l'origine. Et puis effectivement, l'idée c'était de dire qu'il y a beaucoup de croyants et peu de pratiquants, et qu'on est beaucoup dans l'injonction. Et j'en avais ras-le-bol, et j'ai moi-même vécu ça tout petit, et j'avais vraiment envie de sortir de cette injonction à la gentillesse. Soyez gentil, c'est difficile. Que vous inspire cet extrait des déchiens que l'on vient d'entendre, Laurent Beck-Chankland? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une injonction, c'est en tout cas une nécessité sociale, et je dirais c'est un comportement assez spontané. D'ailleurs, dans nos préférences, les enquêtes interculturelles, si vous demandez par exemple dans 37 pays quelle est la qualité que vous attendez d'un partenaire, eh bien c'est la gentillesse, c'est la première qualité. Donc je crois qu'effectivement, bien sûr, poussé à l'extrême, ça peut devenir un poids, un fardeau, mais finalement c'est ce qui rend la vie intéressante. Et sur cet extrait qu'on vient d'entendre des déchiens, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire un grand sourire. Franck Martin. Oui, pareil. L'extrait est génial. Enfin, la scène est absolument géniale, surtout quand on revoit leur tête. C'est extraordinaire. C'est toute cette ambivalence aussi, justement, du gentil qui cherche à être gentil et qui voit dans tous les salauds, entre guillemets, passez-moi le mot, des gens qui ne correspondent pas, justement, à ces valeurs. Or, toute la difficulté, c'est qu'on a tous une part de gentillesse et puis de méchanceté, mais pas volontairement, parce que on essaie de faire au mieux du que l'on peut pour essayer de retrouver l'amour qui est essentiel à nos vies. Voilà. Alors, selon Le Robert, l'adjectif gentil est défini de la façon suivante, qui plaît par sa grâce, qui plaît par sa délicatesse morale, sa douceur synonyme, aimable, généreux, obligeant, bienveillance, bonté. Laurent Begg-Shankland, comment le professeur en psychologie sociale que vous êtes définirait cette qualité éminemment sociale, qu'est la gentillesse? Alors, pour introduire, d'abord, effectivement, il y a une question sémantique, c'est-à-dire que le terme gentil a une charge maintenant peut-être négative qui n'avait peut-être pas avant, qu'on a remplacé par bienveillance, peut-être, qui est un terme qui est plus acceptable et pour lequel on n'aurait pas forcément idée de voir des problèmes. Alors, la gentillesse, l'équivalent, je dirais, en termes de traits de personnalité, hein, la psychologie différentielle s'intéressait aux grandes dimension de la personnalité, on identifie 5, hein, l'ouverture, l'esprit consciencieux, la stabilité émotionnelle, l'extraversion, et donc l'amabilité, j'en oublie une ou pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a effectivement donc ces différentes dimensions. L'amabilité, c'est une dimension qui est relativement stable dans le temps, c'est-à-dire que si vous mesurez effectivement les proportions à être aimable à 10 ans, 15 ans ou 45 ans, effectivement, il y a des fortes corrélations. Ceci étant, ce qui intéresse vraiment la psychologie sociale, c'est pas tant ce trait fixe, c'est plutôt qui est gentil, mais surtout quand, dans quelles circonstances, et surtout, encore plus important, avec qui. C'est-à-dire qu'on a évidemment, on est très sélectif, et les circonstances font qu'on va être gentil. Précisément, on a appris à être gentil avec les personnes qui le sont avec nous. Et des travaux, justement, sur l'évolution humaine montrent bien que ce qu'on appelle l'altruisme réciproque, c'est-à-dire une règle qui nous amène, finalement, à avoir des comportements en réponse à des comportements d'autrui, qui sont très adaptatifs, finalement, et bien, c'est quelque chose d'intelligent, en fait. C'est une forme d'intelligence sociale, finalement, l'altruisme. Franck Martin, vous travaillez sur la gentillesse depuis de longues années. Comment définissez-vous la gentillesse? Alors pour moi, c'est ce que j'appelle la bienveillance en action. C'est un petit peu pour moi, la gentillesse, c'est vraiment le bras armé de l'amour. On est dans un contexte, et Laurent vient de le rappeler, où on est confronté à des gens qui nous amènent à parfois à surréagir. Et toute la difficulté de la gentillesse, c'est de pouvoir accueillir de manière inconditionnelle le point de vue des autres. Surtout, et encore davantage, quand le point de vue des autres nous choque. Souvent, on est là en train de discuter avec les gens, et puis le réflexe, c'est quelqu'un qui nous parle de quelque chose, et on est touché de l'intérieur, et notre premier réflexe, c'est de dire « alors là, je ne suis pas du tout d'accord », ou voire même « tu ne peux pas me dire ça », voire même « je ne peux pas entendre ça ». Mais justement, toute la gentillesse consiste à savoir pouvoir entendre ça, et accueillir de manière inconditionnelle les points de vue. Voilà, sachant que la difficulté, c'est que les points de vue des autres, surtout quand ils sont contraires aux nôtres, à notre vision du monde, nous amènent à nous croire remis en cause, mais quasiment sur le plan de la vie. C'est-à-dire l'idée contraire à celle que j'ai moi, m'amène à me sentir mourir un peu, ce qui est complètement à affecter fou. Notre identité. C'est ça, à affecter notre identité, notre ego. Laurent Begg-Shankland, la gentillesse est-elle un objet d'étude scientifique, comme l'est par exemple la bienveillance, l'empathie ou la gratitude? Oui, ben précisément, il existe des mesures dites psychométriques qui permettent d'évaluer vraiment la propension à l'amabilité, hein, pour reprendre ce terme qui est utilisé dans la littérature internationale. Et donc, il y a des grandes études dans la plupart des pays du monde, hein, qui ont consisté justement à mesurer cette tendance justement à l'amabilité et à la mettre en relation avec différents indices, par exemple de santé mentale, d'usage de substances, de comportements justement sociaux de manière générale. D'usage de substances. Évidemment, on peut en parler. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'on a effectivement des corrélats qui sont bien identifiés, et on voit bien que l'amabilité c'est une valeur un trait qui semble être recherché. Et en même temps, dans certaines circonstances, ça peut devenir un problème, puisqu'effectivement, la question, c'est bien envers qui on est aimable, et surtout, qui sont les potentielles victimes de notre amabilité. Par exemple, je fais référence à une étude classique qui a été réalisée en France il y a maintenant une quinzaine d'années, qui consistait à réactiver l'expérience de 1000 grammes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc expliquez-nous en quelques mots. C'est ça. Donc c'est l'idée qu'on va administrer des chocs électriques à une personne à chaque fois qu'elle se trompe à un test. Donc c'est une expérience classique qui a été développée dans les années 60 aux États-Unis, qui a été adaptée à la télévision en France il y a une quinzaine d'années. Bien sûr, personne en réalité ne reçoit de choc. C'est un acteur qui simule finalement la réception de ces chocs. Et on regarde finalement jusqu'où vont les gens. Est-ce que certains s'arrêtent ou continuent jusqu'à 450 volts avec une victime qui est de plus en plus désemparée, qui souffre, qui crie, etc. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que finalement, il y a bien sûr la plupart des gens, 80% des personnes vont aller jusqu'au bout. Mais surtout, il y a des traits individuels qui prédisent qui va s'arrêter plus ou moins vite. Et on constate que les personnes qui ont un niveau élevé d'amabilité, paradoxalement, ont plus de mal à s'arrêter parce qu'elles se sont engagées, en quelque sorte, dans un travail pour tester un pilote d'émission de télévision. Et donc, elles sont aimables envers l'animatrice de télévision, mais pas envers la victime. Donc, la question, c'est finalement aimable, mais finalement, envers qui ? Voilà. Et je pense que c'est un des nœuds importants. Alors, plusieurs choses caractérisent les personnes qui ont un haut niveau d'amabilité. Elles sont coopératives, moins agressives et font plus facilement confiance aux autres. Oui, d'ailleurs, effectivement, on a également étendu ce type de corrélat aux autres, je dirais, humains ou non humains. C'est-à-dire qu'il y a des corrélats sur les liens entre amabilité et rapport aux animaux. Donc, effectivement. Donc, on a effectivement une propension plus assez générale à être réceptif aux attentes d'autrui, avec évidemment les inconvénients et les avantages que cela présente. Alors, Franck Martin, je l'ai dit, vous explorez la question de la gentillesse depuis de nombreuses années. Comment expliquez-vous que le gentil soit si souvent déconsidéré, raillé, moqué. Il y a parfois un ton ironique quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil. Alors c'est très culturel pour le coup. Vous avez mis en extrait les des chiens. On a parlé de dîner de cons. Il y a aussi le Père Noël est une ordure. Il y a toute une série de choses. Et puis au-delà de ça, au-delà de l'aspect cinématographique, théâtral, etc., culturel, vous avez aussi effectivement depuis des années des expressions qui sont au quotidien et que l'on entend. Moi, il n'y a pas une journée où j'entends pas à la radio ou n'importe où quelqu'un qui ne me dit pas on n'est pas dans le monde des bisounours ou quelqu'un qui s'occupe de son équipe et à qui le patron va lui dire on n'est pas là pour faire du social. Donc on est dans cette espèce d'environnement culturel qui nous fait penser qu'effectivement la gentillesse est associée un peu à la bêtise. Et puis là aussi c'est toujours pareil, on cherche depuis toujours à obtenir cet amour et le regard des autres d'exister. Donc moi je pense que on juge très facilement les gens et on les juge un peu trop facilement. Il y avait un auteur qui était Thomas d'Assembourg, je crois, qui disait cessez d'être gentil, soyez vrai. Moi, alors on dit la même chose tous les deux, mais j'ai tendance à dire ne cessez jamais d'être gentil, soyez vrai. Et c'est ça la difficulté, c'est d'être vraiment soi-même et d'être capable d'imposer un cadre. Et si ce n'est de l'imposer, en tout cas de l'expliquer, de le partager. J'avais écrit un bouquin qui s'appelait Gentil et pas con, justement pour démontrer que la gentillesse n'était pas forcément cette espèce de sollicitude permanente, de gentillesse bête à dire oui à tout. Non, justement, c'est la première des choses, c'est d'être gentil avec soi-même et de savoir quelle est la limite que je peux me donner et donner aux autres. Et toute la difficulté, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'accepter de décevoir. D'accepter de décevoir éventuellement la personne qui m'a donné la consigne pour l'émission et de dire, écoutez, non, là, juste, c'est pas possible. Je peux pas appuyer sur le bouton, je peux pas injecter au poisson, référence à l'expérience de Laurent, du poison, c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment une conscience de soi-même et de ce que l'on veut en termes de limites. Voilà, ça passe par là. Laurent Beck-Changlande. Oui, non. Après, je pense qu'effectivement, ce qui est également intéressant, c'est peut-être de rappeler que très jeunes, nous sommes finalement plutôt spontanément inclinés à rendre service. Par exemple, il y a des études qui ont été faites par des chercheurs comme Thomas Zello qui ont consisté à voir ce que font les enfants lorsqu'un expérimentateur arrive dans une pièce, les bras chargés, il cherche à ouvrir effectivement une porte d'armoire et que font les enfants de 2 ans. Eh bien, dès qu'ils peuvent se déplacer, les enfants en fait donnent un coup de main. Voilà. Donc finalement, il y a beaucoup études très, très simples qui montrent que spontanément, l'inclination normale, c'est finalement donner un coup de main, être altruiste, être gentil, si on veut. Et que je crois que ça fait partie, effectivement, de facteurs très importants qui créent une sorte de lubrification sociale et qui vont nous amener à avoir confiance, en fait, dans notre environnement. Comment, Laurent Beg-Chankland, pour vous, en est-on arrivé à déconsidérer la gentillesse Alors, je ne sais pas si on la déconsidère. Simplement, on a conscience, évidemment, des risques qu'il y a à être gentil, parce que gentil peut signifier être soumis, être justement excessivement attentif aux attentes et parfois être frappé par une forme de conformisme. Mais je ne sais pas si finalement, globalement, encore une fois, il y a une question sémantique. Hein, si on place gentil par bienveillance, personne ne tire sur la bienveillance. Donc je crois qu'il y a peut-être un terme qui n'est plus à la mode. Mais je dirais, le fond du sujet, tout de même, c'est quand même que la personne, finalement, ne recherche des pairs, des collègues qui ne soient pas gentils. Après, bien sûr, le simple fait que l'on initie des journées de la gentillesse et qu'on en parle peut-être beaucoup, ça veut peut-être dire qu'effectivement, il y a des situations sociales, des logiques peut-être parfois brutales dans certains contextes qui nous obligent à rappeler quelles sont les règles de base qui font que les gens se sentent bien avec les autres. Franck Martin. Alors oui, et puis souvent on associe la gentillesse à la gratuité. Alors la gentillesse ne fonctionne que parce qu'elle est gratuite. Mais en fait, en y réfléchissant et puis en étudiant un petit peu le concept entre guillemets, si j'ose dire, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la gentillesse, elle est jamais vraiment gratuite. C'est-à-dire que encore une fois, depuis qu'on est arrivé au monde, on vient d'un monde dans lequel a priori on était dans un excès, mais en tout cas un amour incroyable. Et on débarque dans ce monde avec difficulté quand même. Et puis tout d'un coup, on est confronté à ce manque d'amour. Et notre obsession, c'est précisément en permanence, y compris quand on est tout petit bébé, le petit nourrisson qui commence à faire ses nuits, fait un lien de cause à effet entre ce qu'il fait, alors bien sûr non intellectuellement, ce qu'il obtient de la part de sa maman, c'est-à-dire de l'amour, d'énergie. Et donc du coup, ce lien l'amène déjà à poser des masques. Alors il ne le fait pas de manière consciente. Et on passe notre temps depuis notre arrivée au monde à poser ces masques, c'est-à-dire à être le plus gentil possible pour obtenir le plus d'amour possible. C'est en répondant à la question, qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le plus d'amour, ou en tout cas le minimum d'amour pour survivre. C'est toute la difficulté. Donc elle n'est jamais gratuite, la gentillesse, en fait. Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle. Oui, Franck Martin, vous le disiez, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais quand on est un bisounours, comment on faire? Voilà, c'est ça la difficulté. On ne sait pas dire non, on va accepter toutes les demandes, on va taire ses envies, on va laisser la place sans broncher, on ne saura pas fixer de limites. Et pourtant, vous le dites bien, le gentil sait mettre des barrières et se faire respecter. Mais comment fait-il ? Alors en fait, ça nécessite un peu de présence à soi. Et la présence à soi et à la fois aussi au contexte dans lequel on est, il y a une théorie extraordinaire qui s'appelle la loi de la variété requise, qui est de la systémique, qui a été mise en exergue par un Américain qui s'appelait William Ross Ashby, et qui consiste à dire que quand on fait quelque chose dans un contexte donné, on obtient un résultat. Et si vous êtes à l'observation de ce que vous faites et que le résultat que vous obtenez vous va, c'est génial, vous continuez, voire même vous en rajoutez, puisqu'on dit que plus de la même chose entraîne plus du même résultat. Mais si vous êtes un tant soit peu conscient que ce que vous faites amène un résultat qui ne vous va pas, ou qui ne va pas éventuellement à l'autre, la variété est requise, c'est-à-dire il vous faut changer. Et donc du coup, cette flexibilité, normalement cette conscience de flexibilité, vous amène à varier ce que vous faites, et donc du coup, à savoir si réellement le fait d'être ou ne pas être gentil vous va ou pas. Donc si quelque part, vous obtenez en faisant ce que vous faites, y compris quand vous acceptez la charge de travail que tout le monde va vous donner le vendredi soir, vous savez, avant le week-end dans l'entreprise, et que quelque part vous y trouvez un bénéfice, eh bien vous y trouvez un bénéfice, point barre. C'est toute cette difficulté et cette façon de pouvoir peser ce qui me va et ce qui ne me va pas. Être conscient de soi. Laurent Beg-Chankland. Oui, simplement, ce type de mécanisme a été également étudié dans des recherches expérimentales en laboratoire, où justement, il y a des transferts, par exemple, de ressources, on donne de l'argent à des participants, et puis ils peuvent ou non partager plus ou moins des sommes plus ou moins importantes. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, dans ces logiques d'interaction, de transaction économique, la stratégie qui est la plus intéressante à long terme, c'est de démarrer par de la coopération. Donc effectivement, et dès que la coopération n'est pas sujette à réciprocité, alors changer de stratégie. qu'effectivement, c'est l'idée. Et donc, toutes les simulations qui ont été faites sur ce type de jeu économique en labo montrent qu'effectivement, le premier réflexe, c'est probablement le plus intéressant, c'est effectivement la coopération. Mais si on constate, encore une fois, qu'elle est brisée ou qu'elle n'est pas lieu, effectivement, à une réponse, alors d'autres logiques doivent être, je dirais, enclenchées. Donc, c'est une forme de gentillesse stratégique, en quelque sorte. Une question au rédacteur en chef d'Écran Total, journaliste cinéma, Éric Libiot. Les héros gentils font-ils toujours recette au cinéma? Et pourquoi les méchants au cinéma nous fascinent davantage que les gentils? D'abord, les héros gentils sont toujours opposés à des héros méchants. Il y a toujours un duel. Alors, les comédiens eux-mêmes préfèrent jouer des personnages méchants, peut-être parce qu'ils sont plus complexes et ou peut-être parce qu'ils représentent ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils n'espèrent ne pas être. Mais c'est vrai que les héros gentils sont sans doute un peu trop lisses, un peu moins complexes. Il y en a pas tant que ça en fait dans l'histoire du cinéma. Peut-être que chez Capra. Alors chez Capra, effectivement, parce que c'était un grand cinéaste humaniste, Monsieur Smith au Sénat, par exemple. Joué par James Stewart, est sans doute l'archétype du héros gentil qu'on manipule au début, qu'on prend un peu pour un benêt, qui va dire oui à tout, et puis finalement, petit à petit, ce qu'il fait est reconnu et les méchants sont mis de côté et ils gagnent. Mais c'est vrai que ça appartient aussi à une histoire très particulière, c'est-à-dire que c'est en 1939, donc juste avant l'intervention des États-Unis pendant la guerre, c'est une période troublée dans le monde, donc on avait besoin un petit peu de séparer les bons des méchants, et en fait ce cinéma américain qui parfois régit un peu les valeurs morales du monde, ce côté très gentil, ça s'est fini pendant la guerre froide, après la guerre du Vietnam, après l'interruption de la suppression des studios américains, quand une nouvelle génération de cinéma indépendant est arrivée, donc à un moment donné, quand des cinéastes et des artistes ont pris les choses en main eux-mêmes et non plus sous l'injonction des patrons de studio, eh bien, ils ont été plus complexes, ils ont mis en scène ils ont remis en cause, en tout cas, cette valeur à 100% gentille. Donc, ça appartient aussi à une évolution sociologique, historique et économique du cinéma. Allez, dans un instant, nous verrons pourquoi la gentillesse nous rend plus forts. Ce sera juste après avoir écouté Christine and the Queens, qui interprète Christine, un titre sorti il y a 10 ans déjà, en 2014, 10h28 sur France Inter. Le menton au bourrin, rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel. Ciel coule sur ça ne tient pas de tout. Christine and the Queens, interprétée Christine. Ouais, je suis pas papa, moi. Grand bien vous fasse. Certains vont pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Ali Rebéi. Et ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Je l'aime. Sur France Inter. Mais faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil, moi. Pourquoi les gentils passent-ils trop souvent pour des cons? C'est notre question ce matin avec le professeur en psychologie sociale Laurent Beg-Chancland et avec l'écrivain et conférencier Franck Martin qui publie « Gentillesse, mes fesses ». Charles Thierry a tendu son micro dans les rues de Paris la semaine dernière. Est-ce qu'être trop gentil pour vous, ça peut être une faiblesse ou un défaut? Ouais, je pense que ça peut être un défaut, effectivement. À mon sens, on n'est jamais trop gentil, mais il ne faut pas non plus être naïf. Je pense que c'est plutôt une qualité, de manière générale. Et le monde manque de gentillesse. Ça peut être un défaut si on n'arrive pas à poser des limites. Quand on dit je suis trop gentil, moi je le prends personnellement mal. Il y a un côté un peu personne à qui on peut tout faire faire, qui dit oui à tout, etc. Donc bon, là, moi je suis enceinte, voilà, on s'est fait. Il y a une petite dame qui a voulu me laisser passer, qui s'est fait insulter par une autre dame, enfin voilà. Si votre interlocuteur considère qu'il prend le dessus sur vous, si vous êtes trop gentil et que votre acte de gentillesse est interprété comme étant une porte ouverte à tout, oui, là, la gentillesse n'a aucun sens, puisqu'elle n'est pas comprise comme une gentillesse. La gentillesse, c'est ce qui met du lien, de l'huile un petit peu dans tous les rapports. Vu le monde qu'on a, pourquoi pas être gentil? Je préfère avoir de la gentillesse. Il y a un peu une sorte d'humilité naturelle qui va de pair avec justement le fait d'être gentil. Humainement, je préfère me lever le matin en sachant que les gens me considèrent comme étant trop gentil que méchant. On n'est jamais trop con d'être trop bon, quoi. Propos recueilli par Charles Thierry la semaine dernière dans les rues de Paris. Petite réaction, Laurent Beg-Chancland. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'effectivement, être gentil, ça prend pas mal. Il y a pas mal de facettes qui peuvent ressortir. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui peut être lié à une forme d'empathie, de compréhension de qui est autrui, de ce qu'autrui ressent surtout. Il y a la dimension aussi patience, ça a été dit tout à l'heure. Hein. Je crois que finalement, faire preuve de patience envers quelqu'un, c'est une forme de gentillesse silencieuse, très précieuse. Hein. Et puis, aussi, et c'est très corrélé, l'autorégulation, c'est-à-dire pour être gentil, c'est finalement inhiber en quelque sorte une réaction qu'on pourrait avoir face à une irritation, face à un comportement qui, justement, qu'on ne comprend pas. Et donc, je dirais, tout ça, ça sous-tend en quelque sorte la gentillesse. Donc, ça peut sembler, encore une fois, assez simplet, et puis on voit bien les gentils comme étant manipulables, comme étant suggestibles. Mais en réalité, ça suppose un certain nombre de capacités psychosociales. Franck Martin. On entend bien les deux, hein. Justement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est toutes les différences de point de vue, et justement, chercher à avoir un point de vue qui soit le même, c'est juste impossible. C'est là où je dis qu'il y a cette espèce de double face du gentil qui est un salaud aux yeux des autres. Chacun fait du mieux qu'il peut, voilà. Donc, on a effectivement le côté, ah non, moi je me sens insulté quand on me dit gentil, voilà, pas question. Et puis, il y a ceux qui disent, moi je me lève le matin, il n'est pas question que je ne sois pas gentil. Voilà, moi je dis souvent, on est des caretakers. Alors, moi, j'essaie d'être un caretaker le plus possible que c'est je quoi peux. Celui qui prend soin d'eux. Ouais. Voilà. Vous savez, le caretaker, Alice, c'est au curling, c'est celui qui est devant la quille, qui avance sur la glace et qui frotte avec son balai à la fois pour chauffer la glace et puis pour débarrasser donc la glace de toutes ses aspérités pour amener la cible, enfin la quille sur la cible. L'idée, c'est de dire, encore une fois, chacun fait du mieux qu'il peut et comme il peut en fonction de sa culture et de sa vie. Moi, je trouve que c'est chouette de pouvoir s'occuper un peu de son prochain. Et son prochain, mine de rien, c'est celui qui est le plus proche de nous. Aujourd'hui, c'est vous quatre. Et puis, dans la rue, ça sera la petite dame dont on parlait tout à l'heure en off, qui traversait la rue, dont j'essayais de m'occuper quand elle était aveugle, et qui m'a mis un coup de canne en me disant « Non, fichez-moi la paix, je suis grande pour traverser toute seule. » Et voilà, c'est comme ça. On fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Pourquoi est-ce que la gentillesse, elle est parfois perçue comme une manipulation sous-jacente? Laurent Beg-Chancland, Adeline nous écrit « Soyez gentil, vous allez attirer tout un tas de profiteurs. On apprend à doser sa gentillesse quand on s'est bien fait abuser. Parfois, une personne gentille, on se dit « Tiens, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-elle aussi gentille avec moi ?» Oui, alors, le stéréotype du gentil, finalement, est assez contrasté, puisqu'à la fois, c'est le gentil manipulable, et en même temps, manipulateur. Donc, bon, je dirais, là, on a un discours social qui, évidemment, peut dire un peu tout et son contraire, hein, sur la gentillesse. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il y a un stéréotype du gentil qui circule, qui existe. Et d'ailleurs, effectivement, même il y a des, je dirais, des physionomies qui sont associées à la gentillesse. Par exemple, si on présente des photos de personnes qui ont des grands yeux, un visage plutôt poupin, eh bien, un front, un grand front, tout ce qui renvoie finalement à des traits qui renvoie finalement à une physionomie plus enfantine, est qualifiée de gentille parce qu'une personne qui effectivement inspire la confiance et semble être marquée par une forme de naïveté. On peut lui faire confiance, mais finalement, elle est un peu simple. Voilà. Après, l'idée que la gentillesse pourrait être un moyen d'instrumentaliser autrui, de le manipuler, bien sûr, on peut imaginer que dans des logiques de machiavélisme, eh bien, c'est un instrument comme un autre pour parvenir à certaines fins. Mais ça paraît difficile d'affirmer que la gentillesse soit en soi, évidemment, un outil. Ou alors, je pense que c'est plutôt un outil de manipulation collective, c'est-à-dire que finalement, ou bien peut-être de lubrification collective, c'est-à-dire qu'en fait, on s'ajuste mutuellement pour que les choses fonctionnent bien en collectivité, et c'est ça être gentil. Je m'adresse au professeur en psychologie sociale, comment reconnaître un vrai gentil d'un faux gentil? Est-ce qu'il y a des critères, ou est-ce qu'il faut se fier aux doigts mouillés et puis prendre le risque d'être manipulé et de se faire avoir? Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'identifier quels sont les contextes qui vont faire qu'on aura tel ou tel comportement. Par exemple, il suffit qu'il y ait des odeurs agréables pour que les gens aident plus lorsqu'il y a un besoin d'aide. Par exemple, il y a des travaux qui ont été faits où simplement on diffuse une odeur de parfum ou bien de gâteau dans la rue et on regarde si les gens aident quelqu'un qui vient de perdre son portefeuille. Et bien en fait, il a été montré que lorsqu'on est de bonne humeur, l'empan d'attention est plus large et donc les gens sont plus réceptifs aux besoins d'autrui. Alors donc le contexte va beaucoup jouer. De même, là j'évoquais tout à l'heure l'expérience de Milgram, et bien lorsqu'une autorité nous dit continuer à administrer les chocs, et bien même si ça fait une victime, je vais être gentil pour l'expérimentateur. Donc, effectivement, le contexte va jouer. Mais comment reconnaître un vrai gentil d'un faux gentil? Il y a des signes. Franck Martin. Déjà, ça se fait dans la durée, dans le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'observation des gens, effectivement, le gentil a en général des comportements empathiques, de respect, de bienveillance, d'humour et beaucoup d'humilité aussi. Ça fait partie des choses. Et de gratuité, justement. On n'est pas dans la folie des grandeurs avec Louis de Funès, vous vous souvenez, dans ce film où il est là, obséquieux, etc. Avec les puissants. Voilà. Mais donc, du coup, ça veut dire aussi qu'on peut le mesurer dans le temps. C'est vraiment de l'alignement. C'est-à-dire quand vous avez une personne qui vous dit, qui vous montre parce qu'elle sourit, parce qu'elle est accueillante, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle est respectueuse et humble, et que tout ça effectivement varie lorsque dans une scène un petit peu difficile et délicate, tout d'un coup on a quelqu'un qui est totalement l'inverse, on peut éventuellement se dire, tiens, difficile effectivement d'avoir une personne aussi. Mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, on n'est jamais tout le temps gentil. Bien sûr. On n'est jamais tout le temps gentil. Donc faisons au mieux du mieux qu'on peut avec nos prochains, comme je disais tout à l'heure. Et puis déjà, vous allez voir que la physionomie du monde va changer simplement en s'occupant de celui du mieux qu'on peut, qui est à côté de nous. Avoir faire preuve de gentillesse de façon authentique, c'est par exemple en rendant service de façon désintéressée, altruiste, sans arrière-pensée, sans espoir de retour, sans calcul. Sachant que ce que je disais tout à l'heure, c'est que totalement inconsciemment, on a toujours ce besoin de regard de l'autre. Et ça, depuis qu'on est arrivé au monde. Mais, de manière sociale, la gratuité est obligatoire avec la gentillesse. Parce qu'effectivement, sinon, on renifle la manipulation possible. Et une chose importante, la gentillesse n'attend rien. Il ne faut surtout pas attendre de reconnaissance. Je cite ce bon vieux Confucius, « Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. » C'est ça. Ne l'attends pas, mais tu l'auras quand même. Et c'est ça qui nous peut-être. Et nous accueillons Mathieu. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Bonjour. Merci de prendre mon appel. Merci. Alors, c'est un sujet qui vous touche visiblement, Mathieu. Expliquez-nous pourquoi. Ouais, exactement. Votre émission fait vraiment écho à mon expérience. J'entends plein de choses que dans lesquelles je me reconnais. Moi, on m'a toujours dit que j'étais un gentil. Donc, c'était plutôt agréable dans ma vie, on va dire, privée. Le plus compliqué, c'est dans la vie professionnelle. J'étais directeur d'un bureau d'études, donc j'avais quand même des responsabilités. J'avais toute une équipe avec moi, avec qui ça se passait bien. Tout le monde me faisait... j'avais l'impression, en tout cas, que ça se passait bien. Personne ne me faisait remonter des choses négatives. Et vraiment, j'avais une bonne relation avec mon équipe de 15 personnes. Par contre, c'est au-dessus que ça passait pas. C'était plutôt sur mes N+1 et le responsable de la société, on va dire, qui me disait que j'étais trop gentil avec mes équipes, trop gentil avec mes clients, alors que pour moi, je pensais justement, j'avais l'impression de pas être que gentil, j'avais l'impression d'être à l'écoute quand il fallait, mais aussi d'être juste et de savoir faire la part des choses. Et ce qui était vraiment dérangeant, c'est une des raisons, hein, pas que celle-là, mais une des raisons qui m'a fait aussi quitter mon emploi, c'est qu'en fait, on me demandait de changer ma personnalité, parce que tout à l'heure, vous parliez des vrais gentils, j'ai le sentiment d'être un vrai gentil, je me lève pas en me disant aujourd'hui, je vais être gentil, c'est dans ma nature. Et on me demandait en fait de changer, de devenir méchant, et j'ai le sentiment que d'autres personnes sont comme moi, en fait, des gens sont de nature gentils, mais on leur demande de changer leur personnalité pour être méchant. Aux yeux de la société. Et je trouve ça dommage et triste. Franck Martin. Super. La bonne question aurait été de leur demander trop par rapport à quoi, justement. Et vous auriez vu, effectivement, que les critères de jugement et d'évaluation qu'ils pouvaient avoir envers vous ne correspondaient précisément pas à ce que vous attendiez de votre travail. Et donc, je trouve parfait l'exemple que vous donnez, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est OK, je suis gentil, je tente de l'être, et puis si ça correspond pas éventuellement à la culture de mon entreprise ou de mon équipe, j'essaie de changer si je peux effectivement changer dans la mesure où j'ai pas l'impression de me violer ou de me changer vraiment littéralement, pourquoi pas, et puis si ça ne me va pas, je prends mes responsabilités. C'est ça le cadre. C'est bon. Super, Mathieu. Laurent Beck-Chancland. Oui, non, je pense qu'effectivement, là, il y a une prise de conscience d'un hiatus entre des dispositions individuelles et puis des attentes organisationnelles qui sont orientées vers des logiques qui ne servent pas d'abord les employés, les salariés. Et donc, à ce titre-là, il y a, je dirais, un conflit, pourrait même dire un dilemme moral. Et la personne qui est marquée, évidemment, par des dispositions altruistes ou empathiques, a du mal à entrer dans ce cadre-là. Et je crois que ça implique aussi, dans certaines circonstances, une forme de courage, ou en tout cas de capacité à s'opposer à ces organisations, et aussi peut-être à faire valoir que, comme ça a été dit à l'instant d'ailleurs, que ce qui peut être important, c'est le long terme, c'est-à-dire finalement, c'est des perspectives qui ne se limitent pas à une, deux semaines ou quelques mois, c'est quelques années, hein, des salariés qui travaillent dans une entreprise, c'est effectivement pour servir, je dirais, un but qui ne se termine pas la semaine prochaine, et à ce titre-là, évidemment, les modalités qui sont associées à la gentillesse sont beaucoup plus durables, en fait, dans les organisations. Marie-Laure Zonshine, Femme Actuelle. Oui, pour rebondir sur le témoignage de Mathieu, Franck Martin, un de vos chapitres s'intitule justement « Gentillesse rime contre toute attente avec business ». Alors là, on avait le cas de Mathieu au niveau d'un individu. Mais est-ce qu'une entreprise peut bâtir son projet plus global sur cette gentillesse, alors qu'on est dans un environnement concurrentiel où les places sont chères? Bien sûr. Vous avez de plus en plus d'entreprises. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui une organisation française qui s'appelle les entreprises à mission. Et qui essaient de refléter du mieux qu'ils peuvent justement la façon dont ils vont contribuer à la fois humainement et environnementalement parlant au progrès social, entre guillemets. Donc vous avez de plus en plus d'entreprises. Moi, je travaille beaucoup avec le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, qui est un mouvement extraordinaire. Moi, je bosse avec eux depuis une trentaine d'années, et qui, alors surtout pas de la promo, mais juste pour dire que les entreprises, et entre autres souvent les petites entreprises ou les entreprises familiales, les ETI, sont des entreprises qui sont imbibées de ces valeurs-là et qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Alors, elles réussissent pas toujours de la même manière que moi ou vous. On ne réussit pas toujours à être les gentils qu'on voudrait. Mais encore une fois, mes fesses à l'injonction. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir appelé. Il est 11h moins le quart, l'heure de retrouver les choses presque vues d'Éric Thibiot. France Inter. T'es quoi, t'es médecin, psychiatre? Grand bien vous fasse. Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute? Éric Thibiot. Alors, je cherchais un truc pas trop con à dire aujourd'hui, voire très intelligent, mais pas forcément gentil, quand je suis tombé sur la chronique de l'écrivaine Lola Lafont, parue dans Libération samedi 20 avril. J'en profite d'ailleurs pour inciter à lire les romans de Lola Lafont, et notamment Chaviré, paru en poche chez Babel. C'est l'histoire de Cléo qui rêve de devenir danseuse et qui doit affronter un monde où l'humiliation est monnaie courante. C'est un roman très impressionnant. Et je ne dis pas ça par gentillesse, mais parce que j'ai très bon goût. Voilà ce qu'écrit Lola Lafont dans sa chronique. Je cite « Nous sommes une addition de gracieuses incohérences, de penchants illogiques, une foule de jeux autant que de personnages aux pensées étranges, aux décisions incompréhensibles, aux désirs répréhensibles, aux esprits tortueux en forme d'escalier, de perpétuelles ébauches, des inconnus à nous-mêmes. » Fin de citation. Alors moi, franchement, j'ai pas mieux. Pour résumer, tout est dans tout et réciproquement, comme disait Pierre Dac. Oui, alors ce matin, je cite beaucoup, à la fois par gentillesse, pour applaudir les auteurs des citations, et aussi par flemme, parce que dans la foule de mon propre jeu, il y a aussi le flemmard. Donc voilà une autre citation, celle de l'actrice et humoriste américaine Phyllis Diller. Soyez toujours gentils avec vos enfants, car ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite. Et une autre de l'actrice Xaza Zabor. Je veux simplement un homme gentil et compréhensif. Est-ce que c'est vraiment trop demandé à un milliardaire? Pour revenir au sujet, Ali, les gentils ne sont pas plus cons que les méchants sont intelligents. D'ailleurs, il y a aussi des gentils incroyablement intelligents et des méchants fondamentalement cons. Comme il y a des cons intelligents et des gentils méchants, tout est transitoire et translatif. C'est tellement transitoire que si le gentil passe pour un con, eh bien justement il passe et ne reste pas. Et oui, Lola Lafont a raison, on est une foule de jeux et c'est exactement ça, on est une foule de jeux et je me tue à le dire. Un jeu râleur et compréhensif, un jeu aimable et égotique, un jeu tolérant et têtu, un jeu curieux et borné. Un jeu gentil et méchant, il serait vain de tendre vers l'un sans aller vers l'autre. N'être qu'un seul jeu doit être d'un ennui absolument terrible, une sorte de monolithe sans faille et sans défaut. Alors moi, j'y crois pas une seconde. Personnellement, je me développe n'importe comment et depuis longtemps, partant du principe qu'il ne faut pas plus cultiver la gentillesse que des poireaux, parce qu'il faut faire les deux, diversifier son potager et aussi son jardin. Et pour revenir aux citations, voilà une de Voltaire, hein, extraite de Candide ou l'Optimiste. Il faut cultiver son jardin, dit Candide à Pangloss, et faire en sorte que tout y pousse. Mais qu'est-ce que j'apprends en arrosant Internet? Figurez-vous que le bois joli, arbrisseau au feuillage caduc comme chacun sait, est une plante toxique et même mortelle. Les qualités comme les défauts, les fleurs comme les épines sont décidément des notions bien aléatoires. Et vous avez totalement raison, Éric Libion, de lire Lola Lafont et sa chronique écriture qui est absolument formidable. Et il y a 3 semaines, j'ai lu La théorie du gremlin. Lisez-la sur libé.fr, c'est formidable. Merci d'avoir mis en lumière Lola Lafont. Petite réaction à la chronique d'Éric Libion, Franck Martin. Trop drôle. Ça me faisait penser à la notion de tous ces jeux. On est confronté à la diversité du monde et précisément à la diversité de l'altruisme. Et j'avais en tête c'est cette notion de jugement que l'on porte très souvent, très facilement, en disant de l'autre qu'il n'est pas forcément gentil. J'avais quelqu'un de ma connaissance qui traitait sa maman qui venait de décéder. On était à l'enterrement de sa maman de manière très violente et incompréhensible. Et les gens jugeaient ce garçon en disant mais comment peut-il parler de sa mère comme ça? Et puis un jour, j'étais dans une discussion où il était un petit peu éméché, il s'est lâché, il me dit, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi ma mère, je la traitais de ce fameux nom, et il m'explique que quand il était petit, à l'époque c'était le jeudi, le jour des enfants, il y avait un monsieur qui était réputé pédophile, et sa maman disait absolument pas, elle discutait avec lui souvent, elle allait faire le marché avec lui, pour démontrer à tout le monde qu'il n'était pas pédophile, elle envoyait son fils tous les jeudis après-midi, chez lui, qui se faisait violer tous les jeudis après-midi. Voilà. Et donc du coup, tout le monde qui jugeait ce garçon en disant, mais comment peut-il parler de sa mère de cette manière-là? Et ben on juge pas forcément et on essaye d'être le mieux qu'on peut. Et Franck Martin, ça m'amène à cette question. Beaucoup d'auditeurs nous demandent dans quelle mesure faut-il se forcer à être gentil en famille, entre amis, dans le couple, au travail, dans le but de préserver de bonnes relations au risque de ne pas être authentique avec les autres. Mais c'est ça justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est jusqu'où moi je vais. Est-ce que c'est quelque part c'est un choix intrinsèque dont on ne peut pas en vouloir aux autres. Je ne peux pas en vouloir aux autres de ne pas être capable d'entendre ce que j'ai à dire. Et en même temps, si je ne me sens pas capable de le dire, bah pour l'instant, je ne le dis pas, c'est tout. Les épisodes des choses presque vues d'Éric Libion sont à podcaster sur l'appli Radio France. Dans un instant, quels sont les bienfaits pour notre santé mentale d'une gentillesse bien ordonnée? Ce sera juste après avoir écouté, ça c'est très très bon, Aaron Fraser qui interprète Payback. Aaron Fraser, interprété Payback. Grand bien vous fasse. Vous avez raison, vous êtes un homme méchant, monsieur Beauchamp. Oui, je suis méchant. C'est aussi ce que dit Christine. Voyez, tout le monde est d'accord. Je suis méchant. Ali Rebéi. Tiens, voilà un truc que vous pourriez mettre sur mon répondeur. Il est méchant, monsieur Brochant. Il est méchant, monsieur Brochant. Sur France Inter. Est-ce que vous m'avez invité à un dîner de con, monsieur Brochant? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Pourquoi les gentils passent-ils trop souvent pour des cons? C'est notre question ce matin avec le professeur en psychologie sociale Laurent Beg-Chankland et avec l'écrivain et conférencier Franck Martin qui publie Gentillesse mes fesses. Afid nous écrit « Ah oui, sans doute, les gentils se font déguster le cœur avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. c'est une référence au silence des agneaux, évidemment. Mais à partir du moment où l'on s'est dédouané du regard des autres, on le vit assez bien et je reste persuadé qu'il est bien plus difficile d'être gentil que d'être méchant. Pourquoi c'est une force d'être gentil, Laurent Beg-Chankland ? C'est une force parce que je dirais déjà ça répond à des dispositions profondes qui font que nous sommes des êtres ultra sociaux et donc finalement se forcer à ne pas être gentil, ça doit prendre beaucoup d'énergie. Quels sont les bienfaits scientifiquement prouvés de la gentillesse ou des qualités approchantes, Laurent Beg ? Je crois que là, on peut renvoyer aux travaux sur ce qu'on appelle l'altruisme réciproque, c'est-à-dire l'idée que, eh bien, lorsqu'on est gentil avec des proches ou des moins proches, alors il y a aussi un biais, c'est-à-dire qu'on est plus gentil avec des personnes qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs, notre couleur éventuellement, nos croyances et tout ça. Évidemment, c'est aussi un biais qu'il faut arriver à interroger ou éventuellement à surmonter. Donc il y a une espèce de gentillesse sélective qui n'a pas trop été évoquée ici, mais qui, je pense, fait partie du sujet. Alors après, les bienfaits de la gentillesse pour la santé, ça va être lié au fait qu'on est en relation avec autrui et toute relation donne du sens à l'existence. À l'inverse, tout ce qui va créer des tensions, créer des difficultés finalement et favoriser un désinvestissement social ou de la solitude, rend peu difficile la santé mentale. Je crois vraiment qu'il y a des liens très forts qui ont été montrés entre santé mentale et inclusion sociale, santé mentale et fréquentation des amis, justement. Et peut-on imaginer des amitiés sans gentillesse ? Tiens, j'ai repéré en préparant cette émission quelques critères de la gentillesse exposés par le philosophe et psychologue Piero Ferrucci. Alors, je cite l'empathie parmi ces 7 piliers, la modestie, la patience, la générosité, le respect, la loyauté. Ça vous va, Laurent Beg-Chankland ? Ça parle. Faut-il ajouter d'autres piliers ? Je pense que c'est une très bonne base pour commencer. Franck Martin. Oui, moi je rajoute souvent l'humour aussi. L'humour et l'humilité, ça va avec d'ailleurs, c'est la même étymologie. Humus, la terre. Oui, la terre, absolument. Se rappeler d'où l'on vient. Mais comme on le disait avec Laurent, l'humour pratiqué envers soi-même et pas contre l'autre. L'humour second degré, mais qui ne remet pas en cause l'autre. Fabienne qui nous écrit à l'origine, depuis le Moyen-Âge, gentil signifiait noble, un gentilhomme. C'était un noble de naissance. Aujourd'hui, ne pourrait-on pas dire que la gentillesse est la noblesse du cœur ? Et Jason qui nous écrit, période de regard lucide en ce moment, grosse remise en cause de mes fondamentaux, de ma gentillesse légendaire, ce que je croyais être de ma part du respect, de la tolérance, de l'empathie envers les autres, m'apparaît maintenant et de plus en plus comme de la lâcheté, du refus des conflits, de la faiblesse et pour le moins une demande incessante d'attention et de reconnaissance, au final très peu aidante, voire toxique pour les autres. Bel exercice de lucidité, Franck Martin. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait là aussi. Chacun vit le mot, entre guillemets, à sa manière, et elle est pas, c'est même pas à remettre en cause. S'il le vit comme ça, c'est bien pour lui. Je suis gentil. La dernière question, c'est pour vous, Marie-Laure Zenshine, de Femme Actuelle. Cas concret rapide. Qu'est-ce qu'on dit aux parents qui enseignent à leurs petits la bienveillance, le partage, la gentillesse, mais qui bondissent au square vers cet enfant qui leur chipait le ballon de leur petit chérubin? C'est du vécu. Et là, vécu ou vu ou témoin. Et alors là, passe d'armes avec les autres parents. Bref, tout ça vole en éclats très gentiment. Quand même, la gentillesse se heurte à la dure loi de la vie. Oui. Et en même temps, la façon dont on est parent, comment on va éclairer nos enfants. Et se rappeler qu'on a des véritables... être parent, c'est une responsabilité énorme dès le tout petit moment, le tout départ. Et c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Moi, j'ai entendu ça pendant des années avec mon petit papa chéri. Oui, c'est être soi-même du mieux qu'on peut, encore une fois. Donc, de temps en temps, on pète les plombs. Mais en étant tout à fait conscient que ça peut donner à nos enfants un exemple pas forcément terrible et qu'ils vont de toute façon modéliser. On passe notre temps à ça. Laurent Beck-Chancon. Oui, il y a un écho important. Je pense qu'effectivement, la dimension exemple est vraiment fondamentale. Par exemple, une forme de gentillesse, c'est le don de sang. Pour dire que c'est une gentillesse, ou bien le don de rein aussi d'ailleurs, hein, effectivement, et le don de sang, eh bien, en fait, en général, si vos proches, si vos parents donnent leur sang, il y a 5 fois plus de chances que vous le fassiez aussi. Donc vraiment, il y a un effet mimétique qui est très fort. Voilà. Je compte sur votre rein, Éric Thibault, si jamais j'en ai besoin. Tiens, pour terminer, dans quel cas la gentillesse n'est-elle pas recommandée? Dans quel cas? Quand on alors se fait humilier, peut-être, quand on se fait des cas où elle n'est pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire encore plus quand on se fait humilier. Il y avait un grand monsieur qui disait un truc du style tendez l'autre joue. Alors tendez l'autre joue, il s'agit pas de la tendre pour prendre une autre claque supplémentaire, mais tendre l'autre joue dans le sens où ce que je disais tout à l'heure, j'accueille véritablement celui l'autre. Bon, si l'autre est méchant avec moi, c'est qu'il a sans doute des choses qui l'amènent à penser ça. Après, dans les relations long terme, bien sûr. Tout ce qui ressemble à de l'exploitation, évidemment, doit donner lieu à des changements, évidemment, importants, éventuellement, dans la gentillesse. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Beck-Chancland, de Psychologie du bien et du mal, c'est publié en poche chez Odile Jacob. Merci, Franck Martin, Gentillesse mes fesses, c'est publié aux éditions Erol, une émission à podcaster sur l'appli France Inter. Et demain, on s'intéresse, qu'est-ce qui se passe dans la tête des oiseaux? C'est intéressant. À demain.